Section 6 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 6. Le poète des émaux et Camée, par Maxime Ducamp de l'Académie française. J'ai beaucoup connu. J'ai beaucoup aimé Théophile Gautier. Pendant plusieurs années, j'ai été intimement mêlée à son existence. J'ai assisté à ses luttes, à ses déceptions, à son labeur. J'ai conservé de lui une impérissable mémoire. Sa pensée visite souvent la mienne, aux heures mélancoliques du soir, lorsque les bons souvenirs de la vie causent avec nous des choses d'autrefois et nous font déplorer le présent. Je puis donc parler des émaux et Camée, car je les ai, pour ainsi dire, vus faire par celui que Baudelaire appelait le poète impeccable. Note, les pages qui suivent forment la préface d'une très élégante édition d'Émaux et Camée, illustrée de gravures en deux teintes d'après les dessins de G. Frépont et tirée à un petit nombre d'exemplaires que M. Conquet vient d'éditer. Fin de la note. La révolution de 1848 prit Théophile Gautier en pleine prospérité et le ruina. Il se relevait lorsque la journée du 4 septembre le précipita de nouveau. Deux fois la politique jeta dans d'âpres difficultés un homme qui ne s'était jamais occupé d'elle, qui la méprisait et la déclarait malfaisante. César ou Pompée, Antoine ou Brutus, que lui importait ? Pourvu qu'il y eût de belles œuvres d'art à contempler et des rimes sonores à nouer au bout d'un vers. Il ne demandait que le droit de vivre à sa guise, tout entier à la poésie, qu'il adorait, bercé dans ses rêveries, qui le soulevait au-dessus des milieux déplaisants. Ce droit ne lui fut pas concédé. Il n'en garda point rancune à la vie qu'il aimait, quoiqu'elle n'eût pas été tendre pour lui. L'ancien romantique, chevelu qui criait « au loup » quand il apercevait un bourgeois glabre, le vaillant, qui avait été un des mieux méritants dans la grande bataille de Hernani, était devenu un résigné, blessé par une civilisation qui heurtait ses instincts, condamné à un travail qui lui était fastidieux. Il se réfugia en lui-même et n'en sortit plus. Parfois, après un de ces longs silences dans lesquels il s'absorbait volontiers, il poussait un soupir et disait « Pauvre Théo !» Il se lamentait ainsi sur sa destinée et n'avait point tort. C'était un poète. Les brutalités de la vie en firent un feuilletoniste. On reprochait à Kepler de faire des almanachs d'astrologie au lieu de se consacrer exclusivement à ses études astronomiques. Il répondit « La fille bâtarde nourrit la fille légitime. » Théophile Gautier en eût pu dire autant. C'est le pain quotidien du feuilleton dramatique qui lui permit de parler en vers. C'était un prosateur de premier ordre, de premier jet. De lui, plus que de nul autre on peut dire. Il écrivait sans rature. Par une sorte de transposition d'art, il excellait à peindre. Certaines descriptions d'Italia, de Constantinople, de la morte amoureuse, d'Aria Marcella, du roman de la momie, du voyage en Espagne, sont des chefs-d'œuvre et restent inimitables. Mieux que tout écrivain, il était maître de sa phrase. La langue lui obéissait. Les mots se plaçaient naturellement sous sa plume. L'éclat de sa prose en égale la correction. Mais pour lui, c'était en quelque sorte œuvre d'artisan. Le vers seul était œuvre d'artiste. Il aima la poésie sans partage. C'est à elle qu'il demanda la consolation des misères qui ne lui furent pas épargnées lorsque les temps lui devenaient trop durs. C'est par elle qu'il ressaisissait la sérénité de son âme. Aussi, quoique Rondalla ait paru le 7 janvier 1847 dans la presse, on peut dire que c'est de la révolution de février que naquirent les Émaux et Camée. À cette époque, Théophile Gautier habitait un petit hôtel dans la rue Laure-Biron. Il avait un coupé, deux chevaux et une existence confortable. il a suffi d'un déjeuner manqué et d'un coup de feu tiré par un sous-officier ahuri pour jeter bas cette petite fortune et bien d'autres choses encore. Le choc fut rude pour Gautier. Des billets de complaisance souscrits par lui à la fin de l'année 1847 lui furent présentés par la main des huissiers. La faillite d'un éditeur annula un traité avantageux. À ces causes de troubles et d'amoindrissement matériel, la mort ajouta un deuil de famille. Secoué de toutes parts, ne sachant comment faire face à de redoutables exigences, voulant échapper à la meute des ennuis qui aboyaient sur son chemin, il s'en alla dans le pays invisible, fait de lumière et de parfums, où l'on oublie les soucis de ce bas monde, en cueillant les fleurs de la poésie. Les premiers vers qu'il composa pour le volume, encore anonyme, qui devait s'appeler « Émo et Camé », furent conçus chez moi. Un jour qu'il était venu me prendre pour aller visiter la collection de Saint-Albin et que je lui montrais un objet peu ragoûtant que je possédais alors, la main de Lacenaire. Les variations sur le carnaval de Venise sont un souvenir de voyage qu'il fit en 1850 dans la Haute-Italie avec Louis de Cormenin. Sur la place de Saint-Marc, au long des galeries de tableaux, sur les sables du Lido, à la rive des Esclavons, il aimait à se promener en compagnie d'une femme qui avait quitté la Corse pour venir le rejoindre. Elle était jeune et charmante. L'appareil lugubre de la mort lui était odieux. Elle rêvait de conserver ses frêles élégances jusque dans la tombe. Le poète cristallisa cette fantaisie et écrivit la coquetterie posthume. Les femmes ont volontiers côtoyé Théophile Gautier. Son esprit original les attirait et ses théories, parfois un peu osées, ne semblaient pas les effaroucher outre mesure. Quelques-unes ont poussé la confiance à son égard jusqu'à une sincérité qui ressemble à la vérité elle-même. Le poème de la femme en est la preuve. Le poème, je crois, avait déjà été feuilleté par plusieurs mains, à Moscou chez un tailleur, à Paris chez un virtuose du piano, à Lisbonne chez un seigneur portugais, en Silésie dans un château quasi royal, et ailleurs et par d'autres. Qu'importe, certaines statues, dit-on, ne perdent rien à être contemplées par la foule. La symphonie en blanc majeur a dû faire dresser l'oreille à Henri Heine, qui a dit dans le roman Céro, « La neige des sommets de l'Himalaya, foulée par les pieds de cette femme, prendrait l'aspect d'une cendre grisâtre. Les lits qui saisissent sa main jaunissent par envie ou par contraste. » Les deux poètes, sans s'être donné le mot, s'étaient rencontrés pour célébrer la plus éblouissante blancheur qui ait revêtu une créature humaine. Cette grande dame blanche, dit H.N., est une comtesse septentrionale. Elle a été rejoindre, dans le monde des esprits, le Prussien libéré, que la femme noire avait tendrement pressé sur son cœur. En sa compagnie, elle a retrouvé le pauvre Theo Litz, dont elle égalait le talent, Wagner qu'elle admirait, et Frédéric Chopin, qu'elle avait vu mourir. Contralto, Le monde est méchant, sont deux pièces adressées à une femme qui, pendant deux longues années, a été associée à la vie de Théophile Gautier. À une robe rose, Apollonie, sont un hommage rendu à une amie qui lui fut chère, que Clésingère a sculptée dans La femme au serpent, que Ricard a peinte en costume vénitien et qui a une rare intelligence, unissait une beauté exceptionnelle. On l'aimait pour son esprit, autant que pour son charme. Autour d'elle, nous nous réunissions avec empressement. Elle était notre présidente. Ce n'est pas sans émotion que je me souviens des dîners du dimanche. Que de convives disparus. Où est Théo et Gustave Flaubert et Louis de Cormenin et Eugène de Lacroix et Louis Bouillet et Charles Baudelaire et Ricard et Préau et de la Runa? Est-ce donc le repas des ombres? D'une phrase que j'avais écrite à Gautier dans une lettre datée de Louxor, il a tiré Nostalgie d'obélisque, qui parut en feuilleton dans la presse au mois d'août ou de septembre 1851. Dans cette pièce, qui pouvait si facilement prêter à l'enflure, il garde une exquise simplicité et ne dédaigne point la note moderne. Je vois de janvier à décembre la procession des bourgeois, les Solons que vont à la chambre et les Arthurs qui vont au bois. C'est là, en effet, un des caractères de la poésie de Théophile Gautier. Quel que soit le sujet qu'il traite, quels que soient les soins qu'il donne à la forme, il est toujours de son temps. Certains mots, certaines images empruntées à des faits contemporains équivalent pour ses vers à un acte d'état civil et déterminent la date de leur naissance. Une scène dont il est témoin et que nul ne remarquerait, un objet qu'il aperçoit, un incident, un rien l'émeuve et font résonner les cordes de sa lyre, toujours prêtes à vibrer. Un jour, à l'angle du boulevard et de la rue de la Paix, il rencontre un groupe d'anciens soldats qui se rendent en pèlerinage à la colonne de la Grande Armée. Plus d'un sceptique sourit en les voyant passer, dans ses habits bleus, par la victoire usée. Théo les regarde et ne songe point à rayer. La légende héroïque lui apparaît et il fait les vieux de la vieille, un des beaux chants de la muse du XIXe siècle. Une autre fois, pendant l'exposition universelle de 1855, il traverse la galerie de peinture où il vient chercher matière à son feuilleton. Il s'arrête devant l'aquarelle de G. Cattermole, Sir Bjorn, aux yeux étincelants, et tout en cheminant au long des quais pour rentrer au logis, il compose le souper des armures. Ainsi, malgré le labeur énervant qui ne lui laisse point de trêve, son esprit garde la joie de la poésie, s'y renouvelle et jamais ne la laisse étioler. Partout où il passe, il chante, à Constantinople, en Russie, à Genève, où le ramenait un souvenir qui lui était précieux, où le guidait une espérance que la déception eût brisée si la mort n'avait pris les devants. Au bord du lac Léman, il a ses dernières heures paisibles. Il ne revenait à Paris qu'à son cœur défendant. Il me faut retourner encore au cercle d'enfer où je vis. Le cercle d'enfer, c'était le théâtre où il était forcé d'aller assister à des représentations qui l'obsédaient, et c'était le journal. Mes colonnes sont alignées au portique du feuilleton. Elles supportent, résignées, du journal le pesant frotton. Son métier lui faisait horreur, et sous peine de détresse, il ne le pouvait délaisser. Il se comparait à un cheval de pur sang, attelé à une charrette de moellon. En réalité, c'était un poète que la pauvreté condamnait à traîner le tombereau du feuilleton dramatique. Dieu sait ce que la poésie y a perdu, car les gouvernements ne se doutent pas encore que certains hommes d'élite doivent être pourvus de sinécures, afin d'avoir le loisir de travailler à la gloire de leur pays. Comme ce Michel dont Charles Naudy a raconté l'histoire dans La Fée aux miettes, Théophile Gautier semble avoir été protégé par une créature surnaturelle qui, à sa dure existence, substituait l'enivrement des rêves. Lui aussi, il eut sa Balki, cette reine de Saba, 10 fois centenaire, mais toujours jeune, qu'il posséda sans réserve et qui peut-être n'est autre que la poésie. Les ignorants la dédaignent, le vulgaire la tourne en dérision, mais elle enveloppe ses élus d'ineffables délices où disparaît la vie réelle. Bien souvent, j'ai entendu Théo réciter, comme s'il se la fût approprié, la strophe d'Alfred de Musset. J'aime surtout les vers, cette langue immortelle. C'est peut-être un blasphème, et je le dis tout bas, mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle, que les sots d'aucun temps n'en ont su faire cas, qu'elle nous vient de Dieu, qu'elle est limpide et belle, que le monde l'entend et ne la parle pas. Un seul mot pour terminer. Les hommes de ma génération ont eu cette incomparable fortune d'assister à l'éclosion des œuvres de plus d'un grand poète dont le nom s'associe à celui de Théophile Gautier. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'on ne les a pas encore égalés. Fin de la section 6, lue par Margot.